Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous donne un peu de nouvelles concernant notre campagne Ulule pour soutenir le projet de tome 2 de notre collection de livres jeunesse. Quand je serai grand, quand je serai grande, je serai. Vous le savez, on propose pour les enfants des métiers en alliance avec le vivant pour leur donner à voir des futurs qui chantent où ils pourraient, eux et elles, contribuer à régénérer le vivant et à créer un lien, une alliance même plus profonde. On avait dans le tome 1 présenté le portrait d'Arnaud Créteau. C'est des vrais gens dans la vraie vie qui est boulanger solaire. Dans le tome 2, c'est le portrait de Lamia Essemlali qui est présidente de Sea Shepherd France et qui est gardienne des océans. Ça y est, c'est une super nouvelle. On a atteint les 100%, ce qui nous permet de lancer les rotatives chez notre imprimeur en France. Le projet est donc lancé. Il est garanti que vous aurez les livres avant Noël pour pouvoir les mettre sous les pieds des sapins. Et pour l'instant, le projet ne nous coûte plus rien. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Nous, maintenant, notre rêve, c'est d'atteindre les 150% dans les prochains jours pour qu'ils nous rapportent un peu. On sait qu'on va pas être millionnaire avec un projet éditorial, mais si Quentin, Lauriane et moi, on peut un peu se payer, ça nous permettra d'envisager sereinement cette fin d'année, mais aussi de consacrer une part plus importante l'année prochaine à tous ces projets éditoriaux qui nous font rêver et qu'on a envie de continuer à déployer. Donc, on compte sur votre soutien. Si vous n'avez pas participé encore à la campagne, foncez. C'est sur Ulule, mais vous retrouvez le lien facilement sur nos réseaux sociaux, que ce soit Quentin ou Lauriane qui est sous le nom de Echo Lolo et moi-même avec les 2030 Glorieuses ou sur mon compte LinkedIn Julien Vidal. Et puis si jamais vous avez dans votre entourage des proches qui ont des enfants dans cette tranche d'âge, n'hésitez pas aussi à leur faire tourner l'information, parce qu'on va pas vous mentir, on a été hyper martyrisés par les algorithmes. On le voit là, les réseaux sociaux sont vraiment vraiment en train d'agir en défaveur de toutes les causes, notamment écologiques, sociales, mais pas que. Et d'une année sur l'autre, on voit que notre campagne, elle touche beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde. Donc, on est obligé, entre guillemets, mais en réalité, je pense que c'est une bonne nouvelle de passer par les vrais réseaux, ceux de la vraie vie et plus les réseaux sociaux numériques. Et donc, on compte sur vous. Si jamais vous vous dites oui mais je peux pas participer parce que j'ai pas trop les moyens, parce que j'ai pas vraiment des enfants de cette tranche d'âge, ne forcez pas. Mais par contre, je suis sûr que vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Un petit SMS bien senti, le lien vers la campagne, pour nous ça sera hyper précieux. Et puis si vous avez des groupes de parents, une médiathèque à côté de chez vous, une professeure engagée, enfin franchement n'hésitez pas, je suis sûr que vous avez quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette campagne. Donc merci d'avance pour ce soutien. Et puis c'est un soutien maintenant quasi immédiat, comme je vous le dis, on rentre dans la dernière ligne droite, c'est la dernière semaine, et puis une fois que c'est terminé malheureusement, parce qu'on ne pourra pas sinon envoyer les colis à temps. Voilà, je vous ai donné des nouvelles, je suis content moi de faire en sorte que la communauté 2030 Glorieuse, et notamment à travers le podcast, ça puisse être un lien direct avec des milliers de personnes qui suivent l'aventure des 2030 Glorieuses. J'espère que ces nouvelles vous intéressent, et je vous dis moi aussi forcément à très vite pour un prochain épisode des 2030 Glorieuses. Merci encore, salut! Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 Glorieuses. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuses.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuses qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe, ou en ligne, et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuses pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 Glorieuses.